La Sibylle du ruisseau. Réponse aux feuilles de saule de Madame Tastu. Je ne veux point confier à la feuille que comme toi dans le ruisseau j'effeuille mon avenir. Non, j'aime mieux en ma douce ignorance dans sa couleur rencontrer l'espérance d'un souvenir. Que je demande à la feuille légère d'être aujourd'hui la pitié éphémère de mes destins, sollicité de l'onde murmurante, du flot trompeur la peinture effrayante de noir chagrin. Ah, j'aime mieux l'éloignant de la rive, interrogeant sa course fugitive de mon regard, lui demander sur quel bord amener à le ver à clore sa destinée par le hasard. Oui, ce rameau qui dans l'air se balance, nouveau calcha, eut-il la prescience de mes destins, laissant au sort ma course aventureuse, j'écarterai sa tige ténébreuse loin de mes mains. Briguai-je donc la fortune inconstante? Sur ses faveurs mon âme indifférente est sans désir. L'azur des cieux me vaut une couronne, l'air des palais, ah, plus j'ambitionne les frais zéphyrs. Quoi? De mon luth prévoir la destinée, savoir m'amuse à la gloire enchaînée par ses efforts, et deviner si le temps de son aile emportera de ma lyre fidèle les doux accords. De ses accents mon âme est animée, sans que l'espoir, nom de la renommée, guide mes chants. Eh, que m'importe alors que sur ma tête s'abaissera le funéraire fête, un vain encens? Mais comme toi, plus je redoute encore de m'abreuver à la coupe incolore des vœux trompeurs. Sans évoquer un oracle éphémère, oui, je veux croire à l'amitié sincère de quelque cœur. Et c'est ainsi que ma barque timide hasardera sur l'élément perfide son léger cours, prendre du sort le calme ou la tempête, et sans regret voir la tombe muette clore mes jours. Octobre 1835.